Il me faut mon 4 anneaux, l'assassin de Warano. J'suis à la pyramide avec l'allemand et à tous les rôles. J'rêvais de jouer à San Siro, j'ai fini par vendre dans le barrio. 3 balles dans le barillet, j'ai pas de 4G, j'suis pas branché. La mise elle veut que j'la branche, elle est brune avec une frange. Jugement sur jugement, non j'peux pas tailler de la France. Faut des sous pour faire des euros, j'rabatte quand j'suis pas heureux. Les petits commencent très tôt, frangin c'est plus des peureux. J'ferai jamais la star, moi j'm'en bats les couilles du peur. De toute façon y'a que Dieu qui sait, si jamais un jour ça paiera. Pour l'instant j'fais de la zik, mais demain j'peux glisser à corba. La ville est à la pire, les rats sont haminiques, les hnouchas. J'deviens parano, quand j'vois passer le P-Max guidé. Ils parlent tous de kilos, d'RS3 et d'Alicante. J'deviens parano, quand j'vois passer le P-Max guidé. Ils parlent tous de réseaux, de sommes de fous et d'alimenter. J'deviens parano, non j'deviens parano. J'deviens parano, non j'deviens parano. J'suis parano, j'ai toujours pas d'anneau. Avec sa saut, on représentera juste à le zoo. 6-9-2-0-0, trop du micro comme Miro. On croque le monde à tout chico. Mais ils soulèveront très tôt ces fils de pute de Condé. Pour les frères en Condi, Colombien à Corba, ça viendra vite la sortie. En bas de l'échelle commence à guetter. Petit frère, faut faire des euros. Maman, elle fait que s'inquiéter. Mais lui veut reprendre le réseau. On fera tout pour être heureux. Mais ça paye pas d'être gentil. Parle pas de moi, chronique ta vie. Tu veux quoi qu'on pique ta vie. C'est comme une maladie dans mon ghetto. Combien de fois j'étais solo. Dans ma tête j'avais pas mal d'idées. Le pélo sous-estime pas, nous on est déterminés. J'deviens parano quand j'vois passer tes max guidés. Ils